Est-ce que vous vous souvenez de j'ai su? J'ai su au passé du point. Au passé, sans plongeoir. Il allait directement dans la soupe. Ah oui, la soupe. Souper. C'est ça, souper. Dites-le. Souper. Souper. Alors, ils ont su, au passé sans plongeoir. Supieron. Supieron. Et maintenant, comment direz-vous si je le savais? Si supiera. Bien, si supiera. Mais il me manque le. Mm-hmm. Si je le savais. Si lo supiera. Si lo supiera. Je vous le dirai. Les... Je vous le dirai. C'est... C'est... Lo diria. D'accord. Alors, dites-le encore une fois. Si... Si lo supiera. Si lo supiera. Se lo diria. Si lo supiera, d'accord, se lo diria. Yo se lo diria, je le lui dirai. Et si au lieu de dirai, diria, vous voulez dire aurait dit, là, vous avez besoin de monter sur le plongeoir. Aurait, qui se dit Abria. Abria. Alors, je le ferai, au conditionnel, c'est lo... Aceria. Bon, si vous dites aceria, on vous comprendra. Hein? Tout simplement parce que, en entendant ria à la fin, on sait qu'on est au conditionnel. Hein? Alors, on ne vous corrigera pas. Hein? On reprendra simplement ce que vous avez dit et vous comprendrez vous-même votre erreur. Hein? Donc, si vous dites lo aceria, on vous dira ah, lo. Lo aria. Lo aria, hein? C'est ça. Hein? On vous dira ah, lo aria. Mais ce n'est pas grave. Hein? En fait, il se passe la même chose si vous dites en espagnol est-ce que vous voulez visiter la tour Eiffel? Et l'espagnol vous répond non, j'ai déjà allé. Vous n'allez pas lui donner une leçon de français. Hein? Non, vous lui dites simplement ah, vous y êtes déjà allé. Hein? Et alors, automatiquement, l'espagnol rectifiera et vous dira ah oui, j'y suis déjà allé. C'est comme au tennis. L'important, c'est que la balle passe au-dessus du filet. C'est-à-dire qu'on vous comprenne. Parfois, comme je vous disais, vous pouvez deviner. Deviner des mots. Vous pouvez penser, ah, ça a l'air bien ça. Je vais essayer de l'utiliser. Vous envoyez la balle au-dessus du filet et, même si vous avez mal prononcé, on vous répond. Et c'est grâce à la réponse de votre interlocuteur que vous comprendrez on m'a compris, mais en fait, ça se prononce comme ça. Et vous envoyez une autre balle. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que parfois, vous disiez quelque chose et là, pas de réaction. On vous regarde d'un air interrogateur. Dans ces cas-là, vous saurez que vous avez envoyé la balle dans le filet. Mais vous avez encore un service pour essayer autre chose. Alors, encore une fois, si vous voulez dire « Si j'avais assez d'argent », je l'achèterai. Je l'achèterai se dira. Compraria. Oui, je l'achèterai. Lo compraria. D'accord, lo compraria. Je l'achèterai. Mais je l'aurais acheté. Ça sera. Lo abria. Lo abria, d'accord. Mm-hmm. Vous êtes monté sur le plongeoir et maintenant, vous plongez. Comprado. Lo abria. Hein? Vous pouvez vous arrêter un instant sur le plongeoir pour réfléchir et comprado. Hein? Je l'ai acheté, c'est lo he comprado. Lo he comprado. Hein? Lo he comprado veut dire je l'ai acheté. C'est un point dans le passé, mais je l'ai acheté. Hein? Là, c'est une ligne dans le passé. Une ligne. Oui, c'est ça. Donc, lo compraba. D'accord. Lo compraba. Et il le vendait. Lo vendía. Lo vendía. Il l'a vendu au passé sans plongeoir. Lo ha vendido. Ça c'est, il l'a vendu au passé avec plongeoir. Ah. Il l'a vendu sans plongeoir. Lo vendió. Au passé sans plongeoir, dans la plupart des cas, c'est la terminaison qui est accentuée. Il faut frapper la dernière syllabe. Lo vendio. Oui. Hein? Si vous dites lo vendio, on risque de ne pas vous comprendre parce que lo vendio n'existe pas en espagnol. Hein? Est-ce que c'est clair? Au passé sans plongeoir, c'est sur la terminaison qu'on insiste. Lo vendio. Hein? Alors, ils l'ont vendu. Au passé sans plongeoir, se dira lo vendieron. Vous avez accentué deux syllabes. Lo vendieron. C'est ça. Lo vendieron. Hein? Avec ron à la fin. Ils le vendaient. Lo vendía. Oui, alors, lo vendía, c'est il le vendait. Mais, si c'est un point dans le passé, il l'a vendu, ça sera lo vendió. Bien, hein, lo vendió. Hein? Lo vendió, c'est la forme simple du passé, donc sans plongeoir. Et il l'a vendu, cette fois avec plongeoir. Lo vendió. Lo vendió, c'est un point dans le passé. C'est la forme du passé sans plongeoir. Mais là, je vous ai demandé de monter sur le plongeoir. C'est-à-dire de me dire « il l'a vendu », sachant que l'intervalle de temps pendant lequel a lieu l'action de vendre se poursuit jusqu'au moment présent. « Il l'a vendu cette semaine », par exemple. Donc, « il l'a vendu ». « Lo ha vendido ». D'accord, « lo ha vendido ». Et « nous l'avons vendu » avec plongeoir. Lo hemos vendido. D'accord. Lo hemos vendido. Et ils l'ont vendu avec plongeoir. Lo han vendido. Lo han vendido. Il ou elle au pluriel le vendait. Vendían. Oui. Le, le vendait. Lo vendían. Lo vendían. D'accord. Hein? Mais il l'a vendu. Hein? Et là, c'est un point dans le passé. Lo ha vendido. Si vous dites lo ha vendido, vous parlez d'une action qui a eu lieu dans un intervalle de temps qui se prolonge jusqu'au moment actuel. Mais pour dire il l'a vendu hier ou le mois dernier, peu importe, cet intervalle de temps ne se poursuit pas dans le présent. Alors, vous n'avez pas besoin de monter sur le plongeoir et vous direz donc vendió. D'accord. Hein? Le lo vendió. Lo vendió. Hein? Et ils l'ont vendu sans plongeoir. Lo vendieron. D'accord. Et si je le vendais, ça serait si lo vendiera. D'accord. C'est le subjonctif imparfait. Hein? Parce que on émet une hypothèse. Si je le vendais, hein? Si lo vendiera.